sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche dans sa nouvelle case horaire. Deuxième semaine maintenant dans cette case horaire du mardi soir. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec l'émission, bien, c'est assez simple en fait comme concept. C'est une émission où je fais part un peu de mes découvertes, mais aussi de la musique tout simplement que j'aime. La musique du palmarès, la musique que vous connaissez peut-être déjà aussi, mais aussi des trucs un petit peu moins connus. Puis le seul thème finalement autour de cette émission-là, c'est la langue française, donc uniquement de la musique francophone. Pour commencer l'émission aujourd'hui, on va aller écouter un groupe qui est en spectacle ce soir même, presque présentement. Je dirais le spectacle commence vers 18h30, il est 17h présentement. Ça se passe dans le centre-ville à Trois-Rivières, ici dans le cadre de la journée En ville sans ma voiture. On les a reçus hier à l'émission Assemblage requis, c'est le groupe Val Salva. Un album que j'aime beaucoup, cet album-là, Val Salva, c'est leur dernier. C'est un album qui a servi de trame sonore à mon été. J'ai découvert cet été. Il date quand même déjà de plus d'un an, l'album, mais j'ai découvert ça il y a quelques mois. Et ouais, vraiment, ça a joué beaucoup pendant mes vacances, puis mon été. Donc, ça me rappelle des bons petits souvenirs de cette époque pas si lointaine où il faisait chaud encore dehors. Donc, on écoute la pièce « Notre silence » de Val Salva. Vous êtes à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Depuis quelques mois, je nous reconnais pas. Soit t'es trop là, soit je retombe en moi. Accro, velcro, tu t'accroches et reproches. Relâche le gars, évite le dégât. Aime-moi, aime-moi sans t'oublier. Aime-moi, mais aime-toi. Aime-moi, aime-moi à t'élever. Aime-moi, même aimer. Tu me sers et plus ça m'exaspère. Je me surprends à souhaiter le désert. Sache que je t'aime, que je suis sincère. Lourde à ta peine, va donc faire tes affaires. J'aimais mieux celle qui avait confiance en elle. Elle était libre comme elle était belle. J'ai souvenir d'une vraie immortelle. Celle que j'admire quand elle déploie ses ailes. Je vais t'accueillir, pas de méfiance, aucune offense, seulement que nous, en silence, notre silence. Aime-moi, aime-moi sans t'oublier. Aime-moi, aime-toi. Aime-moi, aime-moi à t'élever. Aime-moi, même aimer. Aime-moi, aime-moi sans t'oublier. Aime-moi, même toi. Devenir toi. Aime-moi, aime-moi sans t'oublier.

Regarde où est l'éclat, ta voix, ton allume-feu. Va-t'en, va-t'en, barracuda, on dit con-con, a cappella. Prends-moi, prends-moi, et non, rendez, à moi, dis la nana. Je ne peux que construire que des choses malheureuses. Tu me piques, tu me creuses, mais faut tu me dire-t-il. Par les sangs, je bois la grappade rieuse, le rôti a brûlé la fin d'après-midi. Le rôti a brûlé la fin d'après-midi. Une histoire endormie, non jamais sans ma fille. Aux endroits passagers, que des choses malheureuses. J'ai chialé, j'ai vomi, mes montries, mes guenilles. Pourquoi toi c'est à moi, la nous, la silencieuse. Souvenir arrosé, mémoire oubliée. Je ne peux que construire que des choses malheureuses. Tu me piques, tu me creuses, mes fentes sont pilotis. Par les sangs, je bois la grappe à l'urieuse. Le rôti a brûlé la fin d'après-midi. Geneviève et Mathieu et la pièce El Noranda, c'est extrait de leur album Rouge Gorge. Il n'y a rien qui est paru récemment de Geneviève et Mathieu. Je sais pas au juste qu'est-ce qu'ils font de bon. Je sais que dans la dernière année, j'ai vu un film pas très bon, un film de Benoît Roberge. Pour ceux qui ont déjà vu Geneviève et Mathieu en spectacle ou en personne, ben, peut-être que vous les avez vus. Ils sont figurants dans le film. Je trouvais ça très drôle. Je pense que c'est le seul bout que je me souviens du film de Benoît Roberge. C'est quand j'ai vu Geneviève et Mathieu comme figurant. Dans le film, c'était très drôle. Juste avant, El Noranda, on avait entendu du jazz avec l'Apocalypse de Chinatown. C'est dans le palmarès francophone cette semaine. Et maintenant, on va retourner en musique avec une nouveauté de Dumas. C'est extrait de son nouvel album Au bout du monde, qui est le quatrième de sa série de quatre, qui est pas mal celui qui est le plus éclaté avec les influences les plus diverses. Il y a même une pièce un peu reggae sur cet album-là. Moi, je vais vous faire entendre la pièce Dans un rétroviseur. Vous allez voir que sur cette pièce-là, Dumas sort un peu de sa zone de confort. C'est un peu différent, mais en même temps, on reconnaît aussi le bon vieux style de Dumas. Donc, on écoute la pièce Dans un rétroviseur de Dumas à la dernière porte à gauche. suis pas là, je ne suis pas là. Et chaque fois, tu n'y arrives pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Sarah, tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Sarah, méfie-toi, loser. Trop l'arrogance en toi, loser. Tu les suis comme un roi, loser. Ça ne m'intéresse pas. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Chaque fois que tu m'attrapes, je me débat. Tour qu'on vient d'entendre, que la pièce Tête de mort, entre parenthèses, avec du feu. On va faire une petite pause tout de suite, mais restez là parce qu'au retour, il va y avoir les nouveautés, entre autres, de Xavier Caffeine et de Navet Confi. C'est fou dans ton salon! 89. si on s'aime un peu à la folie. Pas du tout envie d'être seul à compter les pétales des marguerites qui tombent dans l'herbe, se fondent avec la neige et les flocons dans tes cheveux. Sans que tu ne les ranges, comme le gazon de parc que l'on aurait omis de tailler. J'ai trouvé une mèche enroulée autour d'une racine de pissenlit jaune. Soleil qu'on mangeait l'été pour garder l'hiver éloigné toujours. Carl Éric Hudon et la pièce Marcher au parc ensemble. Carl Éric Hudon, qui est un grand ami de Navet Confit, qui a lancé son album LP3 aujourd'hui. J'en ai parlé amplement dans la dernière semaine et aussi à l'émission Assemblage requis tout à l'heure. Donc pour ceux qui seraient pas au courant, donc le troisième album complet de Navet Confit est disponible depuis aujourd'hui. C'est disponible en ligne en format numérique sur le site de la confiserie, donc www.laconfiserie.net. J'ai résisté aujourd'hui à l'envie d'aller l'acheter directement comme ça en format numérique, parce que pour ceux qui vont acheter l'album en format CD, pour les 2000 premières copies de format CD vont être assorties d'un code finalement pour aller télécharger le EP5, qui est un autre album qui est sorti, qui sort en même temps en fait. Donc le EP5 de Navet Confit, qui va être disponible gratuitement pour ceux qui vont en racheter l'album en format CD, mais sinon aussi ça se trouve assez facilement aussi sur le net, l'album EP5, toujours sur la confiserie, ou bon, de la façon que vous voudrez si vous êtes de ceux-là. On va écouter tout de suite le premier extrait de l'album LP3 Papier Vampire de Navet Confit. La pièce s'appelle Les systèmes d'alarme. C'est très bon. Ça doit faire au moins 5 fois déjà que je la fais jouer. L'album est sorti aujourd'hui, mais ça a déjà joué beaucoup parce que vous allez voir, c'est vraiment très bon. C'est très accrocheur. Et on l'écoute tout de suite à la dernière porte à gauche. J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je vivais pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. J'ai vraiment aimé, c'est celle qui m'a quitté. J'étais bien embêté. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais mais j'étais complètement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est tu vas finir ta vie tout seul. C'était Pépé avec la pièce Cœur de rocker, vous l'avez sûrement reconnu. C'est de son album Pépé Goes Français, mais j'ai dit ça, vous l'avez reconnu, mais c'est presque facile de le confondre avec l'original de Julien Clerc. Là. C'est sûr que si vous connaissez, si vous avez déjà entendu Pépé quelques fois, vous avez probablement reconnu sa voix, là, mais je trouve que c'est assez ressemblant à l'original. Il force un peu la voix pour ressembler un peu à celle de Julien Clerc, mais bon. Si vous aimez vraiment les classiques de la chanson française, vous allez sûrement aimer cet album de Pépé. En tout cas, Cœur de rocker, c'est un classique qui peut ne pas aimer entendre cette pièce-là. Cœur de rocker, c'est toujours un hit, toujours très bon. Surtout dans les karaokés, là, j'avoue, Cœur de rocker, là, d'habitude, là, ça donne un bon spectacle. Et on continue avec la nouveauté de Damien Robitaille, c'est sur les palmarès francophones, c'est Homme autonome. Vous écoutez La dernière porte à gauche. En me retirant, et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Condition héréditaire, ma famille, c'est une bande solide. Cinq générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul. Je ne reçois qui que ce soit. changé, tout comme mon téléphone. Mon doigt est brisé, jamais il ne sonne. Je fais tout, tout seul. Les Fantines avec la pièce La Tentative. Et c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine pour la dernière Porte à Gauche. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 17h. Et sinon, tous les jours, du lundi au jeudi, de 15 à 17h pour Assemblage requis. On va se laisser avec une dernière pièce de Urbain Desbois. C'est la pièce titre de son album La Gravité me pèse. Donc, restez là dans quelques minutes. Sébastien Dulude s'en vient avec l'émission Étale Mixte. Bye bye. Échappé dans une craque du plancher. T'as pas besoin de t'excuser, je sais que ça peut arriver. Le temps nous presse, la vie nous pousse, le courant nous emporte. Petit bateau fragile, la gravité te pèse. Toujours besoin d'espace, tu veux voir les étoiles. Marcher dans le vide, ton frigidaire, tout seul contre le mur, je tousse de la poussière. Le temps te manque, la vie est courte et le courant t'emporte. Tu ne résistes pas, la gravité te pèse. Toujours besoin d'espace, tu veux voir les étoiles. Marcher dans le vide, déposé sur une tablette comme un bibelot. À quoi penses-tu, dis-moi, crois-tu que j'attendrai? Le temps, je m'en fous, la vie est belle et le courant m'emporte. Je ne resterai pas, la gravité me pèse. Toujours besoin d'espace, je veux voir les étoiles.